Here come the most sophisticated move. Of them all, see, them move that shoot up the road. Yeah, yeah. Jean nous ouais nous paraissait nous fait criver. La journée n'a pas travaillé qu'en crayon qui aiguisé. Qui Jean nous ouais nous toujours là nous pas changer. Nous qu'a plein, nous qu'a elle nous pas arrêter. Là pour écouter toute pareille nous t'essaimer. Tant qu'on moulin chaque année nous vont tourner. Malgré nous paraît comme qu'on est nous joindre monnaie. Y'a pas les forts, y'a quoi y'a bien mené. Nous bouger n'a pas travaillé fort couronne sous tête. Ouais nous pas pourri de hop ou d'alpon en zin zin zin. Où saisis pas l'école m'a fait d'Haïti. Piti piti pays en sautil pas j'en guéré. Paris, Paris, album ça l'a fait sous Paris. Si vous voulez connaître sous groupe moins allemand des Syrie. Nous pas travailler avec des monde qui va guerre. Après nous font un show, n'a pas tombé bec et guerre. Hey, hey, hey, hey. Mais c'est local land, we come there by your gun. We take over your yard, come fi cook with pepper pot. We only come fi build you up. Now, the vibes you make believe it up. Hey, local land, we come there by your gun. We take over your yard, come fi cook. Papa, we only gonna fill you up. Now, the vibes you make me live it up. Je revenais du désert en mode fraîche faceuse du Bélair. Ramène l'été à vos hivers cause réchauffement planétaire. Sous les microphones, le lava coule à profusion. Histoire de bien brûler soniquement toute la pollution. Quand j'entends la foudrière, pas qu'un moyen pour aider. Je représente tous les guerriers de la lumière qui font rêver. La régalité est mesurée par sa longévité. On transmet les messages que les anges viennent nous chuchoter. Montréal va s'enjailler à la fou qui s'égaillait. On n'est pas là pour bailler, bad energy out of my way. Allez, allez, hop, DJ lâche le salé, hop. Light it up, put one in the sky avant de s'éteindre. Watch out, hey, wait, yeah. It's been a minute, even with the baby boy, me that in it. If you're not comfy, hold me up, then mind your business. Some say we're there on the road sinning. What me not say, we're there on the road winning. Hearts and hand, young girl and young man. Any lingua, them tunes they make for you. Understand are we original, you feel it spiritual. And when you're free, you're glad. And all of that the way we make. When we pop up with text and we nice up with steps. Your face, you can't vex, even if we take from uptown with their boats or make it. And come out when dance, don't pick all home and talk. I will show up. I wanted to see with that. Me say, look how long we come there on your corner. We take over your yard, come fi cook with pepper pot. We only come fi build you up. Now, the vibes you make me live it up. Hey, look how long we come there on your corner. We take over your yard, come fi cook with pepper pot. We only come fi build you up. Now, the vibes you make me live it up. Esto no se quita, esto está en la piel. Unos divorciaron, aquí sigo fiel. Yo, porque pa' qué si el presupuesto sigue poco. Por supuesto no soy loco, siempre tengo un foco. Calidad de vida, alma sucedida. Amigos y familia, música, buena comida. Las cuentas sí se pagan, pero sigue la saga. Aquí no hay mago, pero vi varios milagros. Sentido de existencia, toco la frecuencia. Concentrado en la luna, por eso me dicen piensa. Años pinchando, imaginando el ideal. Ya me siento libre, es oficialmente oficial.